Bosco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le parti CNDD-FDD rafle presque la totalité des sièges des conseillers communaux. Les résultats provisoires du double scrutin du 5 juin dernier ont été proclamés ce mardi par les présidents des commissions électorales provinciales. La violation à l'échelle nationale des droits de vote des bulletins constitue une grave irrégularité, selon le président du parti CNL. Nestor Guirukwishaka estime que cela ne devrait pas permettre à l'autorité de proclamer les résultats du double scrutin. Vous l'entendrez dans ce journal. La santé des habitants du quartier Nyakawiga 2 en commune Mukasa est en danger à cause des eaux usées répandues ici et là dans les rues de cette zone. Un des conseillers communaux de Mukasa ne cache pas sa colère vis-à-vis de la sourde oreille et des autorités qui ne réagissent pas alors qu'elles ont été informées de la situation. Nous irons également à Gitega où l'on connaît un problème d'eau dans le centre-ville. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti au pouvoir CNDD-FDD a remporté tous les 25 sièges de 10 communes de la province de Bujumbura, sauf dans Mukasa où il en a 22. Les trois restants reviennent au CNL avec un siège et à l'UPRONA avec deux sièges des conseillers communaux. C'était lors de la proclamation des résultats des élections communales du 5 juin dernier. Le président de la commission électorale provinciale indépendante, Habineza Juvenal, a rappelé que ceux qui ne seront pas satisfaits de ces résultats déposeront leur recours écrit auprès de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Et le parti au pouvoir dans cette commune de la province de Burunga, le parti CNDD-FDD, a gagné la totalité de 25 sièges, sauf dans la commune de Rutana, où il a obtenu 24 sur 26. Les deux sièges restants sont répartis entre le parti CNL et l'UPRONA. Le taux de participation à ce scrutin s'élève à 96,61%, soit 971 000 voix 413 votants sur un effectif de 1 20 579 inscrits. 6 070 voix ont été nulles, alors que 8 601 électeurs ont déposé leur bulletin de vote vierge. Ces résultats provisoires ont été présentés ce mardi par Philemon Nahabandi. C'est le président de la commission électorale provinciale indépendante à Burunga. Dans la province de Gitega, le CNDD-FDD obtient 217 sièges sur un total de 225. Suit le parti UPRONA avec 7 sièges et un siège pour le CNL. L'indépendant Mathieu Katihabuga n'a eu que 4 millièmes de voix exprimées. Et 200 conseillers communaux sur 201 de la province Boutanyerera sont du CNDD-FDD. L'autre est de la communauté Batoua, cooptée en commune Kirundo. Annonce faite ce mardi par le président de la CEPI Boutanyerera lors de la proclamation des résultats des dernières élections communales et législatives. Ce parti au pouvoir est élu selon la CEPI à 99% dans cette province. Et en ce qui est du respect des quotas ethniques et genre, Désiré Minani dit que les listes fournies par le parti au pouvoir remplissent les conditions, d'où les 25 premiers sur toutes les listes de ce parti sont retenus comme conseillers communaux. Le représentant du parti UPRONA Boutanyerera, Jean-Bertrand Kimansa Kizimana, s'est gardé de tout commentaire sur ces résultats. Apollinaire Monsagara. Comme annoncé par Désiré Minani, président de la commission électorale provinciale indépendante, sur 1 197 666 inscrits, 99% ont pu voter en province Boutanyerera. Le parti CNDD-FDD a obtenu, d'après le président de la CEPI Boutanyerera, 99% et a raflé tous les 200 conseillers communaux de 8 communes que compte Boutanyerera. Désiré Minani indique qu'un conseiller communal Kirundo de la communauté Batoua a été coopté, d'où la province Boutanyerera compte 201 conseillers communaux. Le parti UPRONA a occupé la deuxième place avec 0,58% de voix et l'indépendant viateur Ndayishimiye de la commune Tangara, 0,01%. La commune Matongo a occupé la première place Au niveau de la province de Butanyerera avec 99,8%, et Ngozi la 8e avec 96,7%. Contacté à propos de ces résultats, Jean-Berkimasa Kizimana, représentant les pronats en province de Butanyerera, ne veut pas en dire beaucoup. Il dit seulement que la déclaration sortie par le pronat au niveau national a elle se suffit. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et selon la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la période préélectorale a été marquée par un respect des droits de réunion. Cependant, la CNIDH dit avoir été saisie de quelques allégations de violation des droits de l'homme. Durant la campagne, pour ce qui est du déroulement du scrutin du 5 juin, la CNIDH a relevé quelques incidents isolés, dont un léger retard, des cartes d'électeurs déchirées, des emplacements inappropriés et l'absence de certains isoloirs. Dans une déclaration lue par le vice-président de la CNIDH ce mardi après-midi, Gérard Rougué-Minoise affirme que les élections du 5 juin dernier se sont bien déroulées. On l'écoute. S'agissant du déroulement du scrutin du 5 juin 2025, la CNIDH s'est déployée dans les 5 provinces du pays pour le monitoring du déroulement des élections législatives et communales. La CNIDH a relevé quelques incidents isolés, parmi lesquels, je cite, un léger retard sur l'heure d'ouverture de certains bureaux de vote, les cartes de bulletins de vote qui ont été déchirées, notamment à Butanyerera, à Ngozi, à Kirundo, mais aussi à Buhumuza, dans l'ancienne province de Changzu. Un autre cas qui a été relevé, c'est le manque de stylo ou le manque de tampons dans certains isoloirs, mais ce n'était pas généralisé. L'emplacement inapproprié de certains isoloirs dans certains bureaux de vote, l'absence des mandataires de l'un ou l'autre parti dans certains bureaux de vote. La CNIDH fait remarquer que ces incidents sont isolés et ils ont été vite réglés par les autorités compétentes. La CNIDH estime que la double élection du 5 juin 2025 a respecté la Constitution, le Code électoral et les standards internationaux. La CNIDH considère que les élections des conseillers communaux et des députés du 5 juin 2025 se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Gérard Rougué-Minoise, de la vice-président de la CNIDH. Mais ce n'est pas le point de vue du parti CNL. Selon ce parti, les irrégularités relevées durant les opérations de vote ne permettent pas de proclamer les résultats du double scrutin du 5 juin dernier. Dans un point de presse animé ce lundi, le président de cette formation politique, Nestor Giroukouichaka, a estimé que les droits de vote des citoyens ont été bafoués à l'échelle nationale. On l'écoute. Ces nombreuses et graves irrégularités se présentent de la manière suivante. La privation du droit de vote et le manque de liberté marqué par les faits suivants. Retirer et confisquer des cartes de certains électeurs pour voter en leur lieu et place. Obliger l'électeur de voter pour le parti au pouvoir. Intimider les électeurs dans les rangées. La violation flagrante du principe de vote secret, traduit par 4 faits. Accompagner les électeurs dans les isoloirs pour leur montrer comment voter et qui voter. Plier les bulletins de vote des électeurs, une façon de vérifier pour qui ils ont voté. Voter en plein air, en dehors des isoloirs, exposer l'entrée des isoloirs au public. Les fraudes et manipulations, bourrage des urnes avant l'ouverture officielle des bureaux de vote, vote multiple avec ou sans procuration, le manque de transparence. Le parti CNL constate que les irrégularités ci-haut citées ont été observées sur l'ensemble du territoire national et sous un même mode opératoire et regrette que les premiers responsables de tout cela aient été les membres des bureaux de vote. De tout ce qui précède, le parti CNL informe l'opinion nationale et internationale que si les résultats attendus proviendraient d'un scrutin qui s'est déroulé dans de telles conditions, personne ne saurait les cautionner, encore moins le parti CNL. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des habitants de Gitega qui puisent l'eau d'une source de l'une des vallées de cette ville demandent aux bienfaiteurs de leur construire beaucoup de sources d'eau aménagées qui serviront de recours en cas de pénurie d'eau de la Régie des eaux. Le chef d'antenne de cette entreprise, Région Centre-Est, explique que la distribution de l'eau se fait par rationnement suivant les quartiers. Il fait savoir néanmoins qu'une pompe à eau qui était en panne, accentuant ainsi l'insuffisance d'eau dans la ville de Gitega ces derniers jours, vient d'être réparée. Gérard Nibigira. Une seule source d'eau aménagée située dans un marais séparant les quartiers Moussinzira et Zégué de la ville de Gitega est celle à laquelle pas mal d'habitants des différents quartiers de cette ville épuisent de l'eau quand il y a pénurie d'eau de la Régie des eaux. Cette source a été construite par un bienfaiteur fidèle et musulman et donc les personnes qui épuisent de l'eau le remercient infiniment pour cet acte charitable. Mais il demande à d'autres personnes physiques ou morales étant capables de faire comme lui, de songer à donner leur contribution dans les domaines variés, mais plus essentiellement construisant plusieurs sources d'eau aménagées autour de la ville de Gitega. Ceci pour que les gens ne fassent plus de longues files à la source, comme c'est le cas à la source aménagée sur-cité. De son côté, le chef d'antenne de la Régie des eaux Régio Centre-Est, Avite Nibaruta, indique que l'eau se sert par rationnement dans différents quartiers de la ville de Gitega, ce qui fait qu'un quartier peut avoir de l'eau sans qu'un autre soit servi en eau potable. Il ajoute qu'il y a une des pompes à eau qui était en panne depuis jeudi dernier et que cela a accentué la pénurie d'eau dans la ville de Gitega malgré le système de rationnement. Néanmoins, il termine en disant que la pompe en question a été réparée ce lundi et que donc le rythme normal de rationnement a repris. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Sangani. Des consommateurs de bière à travers le pays ne cessent de se plaindre ces derniers jours de la flambée des prix de boissons de la Braroudi. Ces lamentations ressortent de l'émission interactive de la radio Isanganiro Aiwanyu Havugwamaki qui est passée la nuit de ce lundi à mardi, précisant que la Primus et l'Amstel s'achètent à des prix variant entre 6 000 et 18 000 au lieu des prix officiels respectifs de 2500 et 3500 francs burundais. En réaction, l'Association burundaise des consommateurs L'Association burundaise des consommateurs dit ne pas comprendre ce désordre dans la commercialisation des boissons Braroudi. Le secrétaire général de cette association le dit, après avoir constaté que certains commerçants ayant des licences d'exploitation des débits de boissons ne les affichent pas, Noël Nkurunziza demande à la Braroudi et les autorités compétentes de prendre la question au sérieux en faisant respecter les prix fixés par le gouvernement. Suivez-le. L'Association mondiale des consommateurs de Transparency International Burundi constate ces derniers temps un désordre qui s'installe progressivement au niveau de la commercialisation des produits alcoolisés, produits de la Braroudi, où il n'y a plus le respect des prix officiellement reconnus. Et cette situation est très inquiétante. Il y a des commerçants qui ont eu des licences d'exploitation, mais dans le commerce qu'ils exercent, ils exagèrent au niveau des prix. Et cette situation ne peut pas être encouragée au niveau de l'Association mondiale des consommateurs. Et nous voulons que cette situation revient à la normale, le respect de la loi. C'est pour cela que nous demandons à ce que tous ceux qui ont l'exploitation des cabarets et bistrots puissent finalement afficher et le numéro de licence quand ils en ont, licence d'exploitation quand ils en ont, et les prix qu'ils pratiquent. Et comme ça, l'administration est la base. Ceux qui ont en charge le commerce pourront, et le consommateur aussi, pourront vérifier et voir si les prix qui sont appliqués sont les prix officiellement affichés. Parce que cette situation est incompréhensible parce qu'elle commence à être généralisée. Les commerçants, l'administration, les consommateurs, ils sont tous, on dirait, compris de cette situation. Et ils ne peuvent pas marcher comme tel, continuer comme tel. On risque finalement de faire un désordre généralisé sur le commerce au Burundi. Et pour que les choses reviennent à la normale, nous demandons aussi au maire de la ville, au directeur général de la police, l'inspecteur général de la police, qui avait pris l'initiative de mettre en place des équipes et des nouveaux services, demandant à leurs services de pouvoir prendre toutes les mesures, toutes les dispositions pour que les prix soient respectés dans le pays. Donc, une fois de raviver ces mesures, afin que le désordre puisse finalement ne pas se généraliser. Et nous pensons que les choses reviendront à la normale. Et en ce moment, une fois que les prix sont affichés, une fois que cet appel par les autorités est encore lancé, les consommateurs auront la base pour pouvoir réclamer encore une fois ou dénoncer à ceux qui ne respectent pas la loi. Radio Isanganiro, chronique santé. Le marasme est une forme grave de malnutrition qui consiste en une fonte chronique de la graisse, des muscles et d'autres tissus de l'organisme. Le nutritionniste Jean-Paul Ouineza explique que la malnutrition survient lorsque l'organisme ne reçoit pas suffisamment de protéines et de calories. Il ajoute que les symptômes généraux du marasme sont la perte rapide de poids, la fatigue, les vestiges et la diarrhée, mais ils varient en fonction de la gravité de la présence d'infections associées ou d'autres pathologies. Ornella Mucho. Le marasme est un trouble nutritionnel grave résultant d'un apport insuffisant en protéines et en calories. Le nutritionniste Jean-Paul Ouineza explique que le marasme est principalement dû à des infections bactériennes, virales et parasitaires, notamment la tuberculose et la rougeole qui affaiblissent le système et aggravent la malnutrition. La cause infectieuse est la coqueriche qui peut attaquer la personne d'un moment très long comme ça, là aussi, ça peut évoluer et causer des problèmes du marasme. La cause infectieuse, comme aussi la maladie qu'on appelle la tuberculose, et si la tuberculose persiste, et là aussi, on peut constater de la perte d'appétit, une appétence sur cette personne-là, alors ce problème peut aussi causer du marasme. Les symptômes varient en fonction de la gravité ou de la présence d'infections associées ou d'autres pathologies. Toutefois, les symptômes généraux sont la perte du poids rapide, une faiblesse musculaire et un abdomen distendu. Et à part les signes cliniques, il y a des examens qui sont faits pour confirmer le diagnostic. Par exemple, une personne qui a une taille de 1m60, je dirais pour un adulte, cette personne-là doit avoir 60 kilos. Ça ne devait pas être en dessous de 60 kilos. Et aussi, d'autres choses que nous devons quand même constater, lors de l'examen physique, vous verrez ces personnes qui sont déjà maigres, présentent vraiment de l'état physique affaibli, et aussi les personnes sont très maigres. En fait, ils présentent des cyclettes comme ça. Cette personne aussi peut nous indiquer que cette personne présente un problème du marasme. Et aussi, il y en a des examens pondérales et aussi il y en a d'autres choses qu'on regarde au niveau de la nutrition pour voir si cette personne n'est pas une carence en rapport de la nutrition. Les plus touchés sont les enfants suite à un allaitement inadéquat ou un sevrage précoce qui prive les nourrissons des nutriments essentiels ou chez les enfants qui ne reçoivent pas assez de protéines et de calories après l'arrêt de l'allaitement. Nous pouvons signaler les enfants de moins de 5 ans et aussi les femmes enceintes. Par exemple, les enfants, le système immunitaire des enfants de moins de 5 ans n'est pas comme le système immunitaire des adultes. Alors, ces enfants peuvent attraper beaucoup de maladies comme le paludisme, comme la tuberculose. Et aussi, les femmes enceintes ont un système immunitaire qui est inférieur que les autres femmes ou bien d'autres personnes. À cause de cette faiblesse immunitaire. Selon toujours ce nutritionniste, le marasme nutritionnel nécessite une prise en charge rapide avec une réhabilitation nutritionnelle. Les détails seront donnés dans notre prochaine chronique santé. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douiman.